Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de boxe. Le boxeur de Ville-Saguenay, Francis Ntetou, a perdu au sixième round par KO technique contre Eric Banzian, qui est un boxeur qui nous vient de l'Arménie. Question de savoir un peu comment il se sent, un peu moins que 48 heures de ce combat-là. On lui passe, lui, Francis. Allô. Francis, comment tu te sens? Est-ce que tu es déçu d'avoir perdu? C'est sûr que Bandian, c'est loin d'être un deux de pique. Je disais Mike Ramsey ce matin, tantôt, qui disait sur le site d'RDS, qui disait que c'était peut-être... Il comparait même à Gennady Golovkin. Donc, j'imagine qu'on n'est quand même pas trop déçu des circonstances. Oui, exactement. On abuse un peu de comparer à Golovkin. Écoute, il y a un Francis, il y a un Eric Bandian, il y a un Golovkin. Donc, chaque fois, c'est différent. C'est abusé un peu comparé à ce athlète-là, mais selon moi, du moins. Sinon, c'est un excellent boxeur. Effectivement, c'est un excellent boxeur. Dans un combat, il y a un gagnant, un perdant. Cette fois-ci, c'est à mon tour. Donc, il faut savoir gagner en champion. Et lorsqu'on perd, ben, c'est la même chose. Donc, être debout, être capable de répondre aux questions et voir le meilleur côté des choses. Sur ta page Facebook, tu mentionnes que tu as quand même livré un bon combat. Il y a eu quelques erreurs, puis lui en a profité. Exact. J'ai failli le mettre KO également. Je l'ai branlé à un moment donné. À mon tour, j'ai été touché par plusieurs coups de poing consécutifs. Donc, c'est comme un peu... quand tu mets KO, c'est comme un peu si... comme si on avait tourné sur place 30 secondes, puis on essayait de te faire marcher, ben ça fait comme si c'était ébranlé. C'est vraiment ce qui est arrivé pour ma part. Donc, j'étais comme un peu étourdi. Ça revient rapidement, mais l'arbitre préfère toujours arrêter pour la santé des boxeurs. Donc, on peut pas contester ça, surtout que c'est pour la santé. Sinon, je crois pas Eric Brébazien, comme je disais, il a réussi à atteindre plusieurs coups consécutifs qui allaient avec toi. OK. Dans l'ensemble, quand même, est-ce que tu as appris beaucoup de ce combat-là? Parce que c'est quand même un solide prospect, là. Écoute, comme je t'ai dit, dans un combat, il y a un gagnant et un perdant. Notre sport, c'est de frapper sur l'ordinateur de l'autre. Donc, ça peut arriver parfois qu'on arrive à briser l'ordinateur de l'autre ou le mettre dans un état où il n'arrive plus à fonctionner dans le moment même. Sinon, Eric, c'est un bon boxeur. Il y a des lacunes également, comme tout le monde. J'ai pu en profiter, mais j'ai pas été capable de capitaliser. Pour sa part, il a réussi également à faire du bon travail, mais... écoute, dans ce sport-là, ça ne veut pas dire parce que tu réussis à gagner un que l'autre combat, il réussirait à m'avoir encore. Je suis une personne qui est excessivement positive. J'encourage nos jeunes à avoir la même vision de la vie, croire en soi, croire en ses moyens, croire qu'on peut faire la différence. Donc, pour cette fois-ci, gagner cette bataille-là, ça ne veut pas dire que la prochaine, il la gagnerait si on se reprenait. Mais dans le respect des choses, il a gagné. Donc, chapeau à lui. Chapeau à son équipe pour le plan de match. Je lui souhaite une bonne continuité comme j'ai fait, puis je demande du respect également, puisqu'on est allé sur le terrain, on a fait ce qu'on devait faire. Il en est sorti rien, comme je l'ai dit, donc pour ma part, ça ne m'arrête pas du tout. En 20 combats, j'ai eu 3 défaites, c'est pas de moi un mauvais boxeur. Ça fait qu'on fait des erreurs, parfois on trébuche. Comme je te dis, encourager nos jeunes, on se relève et on va vers l'avant. Okay. Comme ça, pour voir les choses. Frenzy, dis-moi, là-dedans, là, écoute, Bandian est quand même vu comme un solide prospect. Frenzy, t'es tout, est-ce qu'il est vu comme un faire-valoir? Je te pose la question, du là. Du tout, comme je t'ai dit, je t'avais vu le combat. Ouais. Il faut le voir, le combat. Bété va sortir, on va le voir. C'est un combat qui était très serré. Je ne suis pas du tout vu comment ça va voir. Puis, tu sais, je vais répondre en même temps à une question qui a été posée par Mathieu Boulay de RDS. Donc, ça va donner la réponse en même temps. Il me dit, est-ce que, après ce combat, est-ce que tu penses prendre ta retraite? Ouais. La retraite va avec comment? Je veux dire, Danny, moi, je ne vais pas arriver chez toi et te dire, Danny, t'es prêt pour la retraite, là, mon Danny? Non. Comment toi, tu vas te sentir face à ton métier? Est-ce que c'est le temps que j'arrête? Si c'est le temps que j'arrête pas, oui, on peut se faire conseiller par les gens autour de soi lorsqu'on se met KO, on a plusieurs défensives où ça va pas bien pour éviter des situations comme notre regretté ami David Vita, mais malheureusement, ouais. Pour ma part, je me sens bien, j'ai fait une erreur. Les choses se passent très bien. Puis quand on me dit, ah, t'auras plus l'occasion, au contraire, après une ou deux, trois défaites, les gens, malheureusement, la vie est comme ça. Je pense que c'était, je veux dire, exemple, comme la boxe, c'est comme un peu dans la jungle. C'est pas parce que t'es blessé que les autres animaux vont dire, ah, il est blessé, on peut pas l'attaquer, lui. Non. À la moindre opportunité qu'il vient, qu'il peut te manger, il va te manger. Bon, c'est exactement comme ça dans le milieu de la boxe. Donc, les gens autour de moi, à mon poids, vont penser peut-être que je suis faible ou que je suis blessé ou que je suis une femme descendante, puis ils vont essayer d'en profiter pour faire leur don sur mon dos. Donc, pour moi, ça va toujours être des opportunités. Si réellement j'étais un boxeur qui était affaibli, à ce moment-là, il faudrait que je prenne une décision. Pour le moment, je me sens pas affaibli. J'ai fait une erreur où mon agression s'est capitalisée. Donc, je vais toujours de l'avant, comme je te dis. Non, je sens pas mon heure arriver. Donc, okay. C'est sûr que tu vois pas ton heure arriver, mais est-ce que, je vais te poser la question, à la boxe, c'est pas nécessairement que gagne ou perd qui est important, c'est comment t'as livré le combat. Si t'as livré un combat honnête, un combat intéressant, c'est sûr que tu vas être rappelé. Est-ce que tu penses avoir livré à ça, tu me l'as dit en début que t'as livré un bon combat quand même, est-ce que tu penses avoir livré un assez bon combat pour être rappelé et avoir d'autres offres? Ça, c'est certain que oui. Mais ouais. Comme je t'ai dit, même si j'avais livré un mauvais combat, par exemple, que j'avais perdu par KO au premier round dans les 10 premières secondes, le mieux, la boxe, c'est comme ça. Ils vont rappeler pour essayer de faire leur nom sur ton dos. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est pas parce que t'as l'air d'un animal blessé que les autres vont te dire, ah, il est blessé, on le touche pas. Non. C'est un milieu, malheureusement, qui est comme ça. Puis, avec mon exemple, tu devrais comprendre. Les gens vont essayer d'en profiter, faire leur nom sur mon nom. Ouais. C'est de me penser plusieurs fois. Tu peux le voir, et on rappelle comme une fois le même Mexicain pour le même adversaire. Donc, c'est exactement la même situation. Je m'inquiète pas pour les opportunités. L'important, c'est que moi, je sois bien, ma famille soit bien, que je sois en santé également, préparé pour chaque combat qu'on m'offrir. Parce que, comme je t'ai dit, le combat est accueilli parce que j'ai eu le temps de me préparer. Je me suis préparé jalousement. Contrairement aux autres offres qu'on a eues auparavant, la boxe, c'est comme ça, ils veulent te prendre à une semaine, deux semaines d'avis pour pas t'étendre à te préparer ou que tu descends ton poids, poids fou. Donc, c'est souvent comme je t'ai dit, ils veulent prendre l'avantage pour se faire un nom sur ton dos. Donc, je penserais pas que les opportunités vont manquer. Okay. Donc, être à moi, ça va laisser laquelle est la bonne, laquelle est à laisser passer. Parce qu'à travers tout ça, j'ai toujours de l'argent qui est motivateur. Ben oui. C'est pas l'argent qui motive, mais elle est quand même importante, puisque dans ce bas monde, il faut payer les choses avec de l'argent. Tu parles d'argent, Fancy, je sais pas la prime, mais j'ai la bourse pour ce combat-là. Sauf que ça ne doit pas être énorme. Un coup, t'as payé ton entraîneur, t'as payé le gymnase pour l'entraînement, l'impôt qui passe au travers de ça. Il ne doit pas te rester grand-chose. Tout de même, oui, je te dirais, ouais. Comme je te dis, l'argent, je fais attention maintenant parce que j'ai appris à travers les gens autour de moi, c'est pas des choses qu'on mentionne, les gens pas nécessairement de faire savoir, mais oui, c'est des bons montants, je fais un très bon montant pour le combat, okay. Mais par contre, on peut toujours faire plus, comme je te dis, on n'a jamais trop de revenus. Lorsque j'ai gagné les millions, ça pourrait être annoncé publiquement, comme les McGregor qui a fait un 9, 10, 15 millions pour son combat qui a duré 25 minutes. Mais effectivement, oui, c'est vrai que la bourse descend faramineusement. Ouais. Parce que t'as un montant par rapport à l'impôt à payer, payer les dégâts quoi, mais on est quand même généreux. Il ne faut pas oublier non plus que l'événement était sold out. J'ai des bons conseillers, des bons gens de moi qui sont tout ce qui est le côté monétaire, donc les négociations. Moi, tout ce que je vais m'occuper, c'est vraiment la préparation physique et mentale. OK. Là, il se passe quoi, là, pour Frenzy Tétou au cours des prochaines semaines? Ben, faut pas t'oublier que moi, je suis une personne qui travaille, donc je retourne au travail, je remercie mon travail de m'avoir permis d'aller m'entraîner à temps plein. Donc, je retourne au travail comme toi, comme tous les citoyens. Par la suite, je continue à m'entraîner puisque c'est pas une corvée, c'est un mode de vie. Donc, je retourne à l'entraînement toujours. Je vais aider les gens autour de moi, comme mon frère supérieur pour ses gants dorés, un autre ami aussi supérieur pour les gants dorés, les gens du club. Puis, c'est ça, la vie continue, on reste de bonne humeur. On attend la neige, j'allais dire le soleil, je suis plus à la circasse. Ouais. On attend la neige qui arrive bientôt, puis on continue, on reste positif, puis on s'entraîne, puis on va savoir étudier les opportunités qui vont s'en venir encore. Francis, je vais te poser une question en terminant. Tu as parlé de David Whitten tantôt. David Whitten qui est décédé, après, on se rappelle de l'histoire, il était pratiquement un an dans le coma. Ça vaut, là, tu mentionnes que tu travailles et ainsi de suite. Soyons honnêtes, t'es rendu quoi, 36, 37 ans à peu près, 37, 38? 36. Ça vaut-tu la peine de continuer à boxer puis manger des talouches quand tu travailles puis tu gagnes ton pain avec d'autres choses que la boxe? D'abord, soyons honnêtes, je pense pas que tu fasses une carrière internationale. Il faut quand même pas se compter l'histoire d'une grosse carrière internationale. Est-ce que ça vaut la peine? Je fais des carrières internationales. J'étais signé par les États-Unis, je me bats par le monde. Ouais, mais je veux dire, t'en vas pas. J'arrive de Las Vegas. Chaque, au contraire, comme je t'ai dit, il ne faut pas t'oublier. Les gens, pas parce que t'es blessé que les gens vont te laisser de côté. Les gens vont vouloir faire leur nom sur mon dos parce que mon nom est crédible. J'ai passé à Denis Stevenson, trois fois champion canadien. J'ai une carrière de 18 victoires pour 2-3 défaites. Est-ce que c'est mauvais? Il ne faut pas oublier qu'Arturo Gatti avait 9 défaites. Il est devenu millionnaire. Je m'en fous de devenir millionnaire ou pas, mais c'est un exemple que je te donne. Je m'en fous pas, mais bon, c'est un exemple que je te donne. Arturo Gatti est devenu millionnaire dans ses derniers combats. Et autre chose, pourquoi tu crois que je fais le sport? Pour l'argent? Non, je le fais par passion. Ouais. Donc, quand tu dis est-ce qu'elle vaut la peine de manger ta loge? Parce que toi, tu poses la question selon tes expériences personnelles. Toi, non, mais j'ai pas la même. Je sais ce que tu veux dire. On est tous les deux passionnés, Francis. Moi, je fais de la radio, c'est pas payant. Je sais que c'est pas payant. Par contre, ma santé est pas en cause. Toi, ta santé est en cause. C'est tellement un bon exemple. C'est un excellent exemple que tu donnes. C'est vrai, la santé est pas en cause. Mais pour ma part, c'est une passion également. Puis, ma job, c'est de me protéger. Le but de la boxe, c'est pas manger de coups. Fred Mouedard l'a fait chez 40 ans. Mohamed Ali est revenu, lui, malheureusement. Chaque personne a des impacts différents selon leur style de boxeur. Moi, je reçois pas énormément de coups. Et, là, dans ce cas-ci, oui, je me suis fait atteindre. Mais dans le passé, je me suis pas fait atteindre énormément. Comme tu as dit, ça vaut la peine de manger des talos. C'est une passion. Je me protège comme il faut. Oui, parfois, les coups passent. David Whitten est décédé malheureusement de ça parce que David était ralenti. Les gens autour de lui ont pu remarquer également le ralentissement. Personnellement, s'il était plus capable, je saurais mettre ça de côté. Là, je suis capable de faire encore le sport. Écoute, c'est vraiment, selon moi, les gens autour de moi vont voir également, je serais capable de le faire. Non, je suis encore là. Non, mais ce que je veux dire, je sais que tu es passionné et que tu aimes la boxe comme moi j'aime la radio. Par contre, tu pourrais très bien t'impliquer dans le monde de la boxe avec des jeunes. Tu le fais déjà, par contre, avec ton frère. Là. Mais tu pourrais vraiment t'impliquer de très, très proche sans mettre ta santé en jeu. C'est ça que je veux te dire. Là. Je suis tellement d'accord avec toi, tu as raison. Ouais. Mais là, pour moi, pas venu en train de m'asseoir et penser à ça. Mais tu t'amènes la question, je regarderai tout ça. J'ai des gens autour de moi également aussi déjà. Mais je suis encore là. Avant d'annoncer ma retraite hantée ou quoi que ce soit, il va falloir que j'y passe comme il faut. J'en parle avec les gens autour de moi, voir comment ils voient ça également. Ouais. Mais non, c'est la retraite à partir de faire mon esprit. Oui. Ben, Frenzy, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te suivre de très, très près encore une fois, comme on l'a toujours fait. Puis on se reparle. Merci beaucoup, Danny. Voilà le boxeur de Ville-Saguenay, Frenzy, à tantôt.